Je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. J'ai oublié le nom de la radio. Radio Libertaire. C'est Epsilonia. C'est Epsilonia, l'émission. Sa diffusion porte en germe son effacement progressif. Vous êtes à l'écoute d'Epsilonia sur Radio Libertaire. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, j'espère que vous êtes bien relax. Radio Libertaire, la voix sans dénimètre de la Fédération anarchiste. Later, this physical attraction leads to the desire to... Oh, Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute d'Epsilonia sur Radio Libertaire 89.4. Anton à la technique, bonsoir. We got someone or something crawling around out here. Et Olivier, le retour. Le retour, enfin non, je vais être de moins en moins là, hélas, voire plus du tout, mais ça, c'est les aléas de la vie. Voilà, donc la Squadra Lumaca ce soir avec un programme très chargé de l'international. Vraiment. Donc, première demi-heure des nouveautés, des disques, des choses qu'on a... Des nouveautés à la mode Epsilon, il n'y a pas forcément des vraies nouveautés, mais d'accord, des choses qu'on a trouvées à droite à gauche. Parce qu'en fait, les disques qu'on passe ici sont parfois relativement durs à trouver, donc quand on les trouve, c'est une nouveauté. D'accord. Et donc, aux alentours de 22h30, nous aurons un live de Ian Yoon, qui est chinois et qui est en tournée en Europe. Ça nous fait extrêmement plaisir de le recevoir. On aura le droit à une petite interview avec lui. Et encore cerise sur le gâteau, nous avons la présence d'un musicien suisse qu'on avait déjà invité il y a quelques années, Nicolas Mounou, qui joue avant sous le nom de Trois Petits Points, mais apparemment qui a repris son nom et son patronyme normal, voilà, qui jouera ensuite à la suite de cette interview, voilà. Et ces deux personnes sont en tournée en Europe, voilà. Ensemble ? Oui, ensemble. Elles jouent dans le même festival samedi, c'est au Chahut. Voilà, on en parlera tout à l'heure directement avec Yann et Nicolas. D'accord. Donc on avait écouté pour ouvrir l'émission, Anton ? Blue Sausage Infant, c'est son dernier album, donc sorti sur All Wheel Music, et ça s'appelle Manitou. Voilà, un Américain de Washington qui joue plutôt électronique, voilà. Ah oui, une petite précision avant que tu annonces le prochain morceau, Olivier, pour dire que les bandes sans fin ce soir ont été préparées par Jérôme, et elle s'appelle « Nuit sans poésie sonore », voilà, et on retrouve un peu tout le monde dessus, étant donné Joël Hubo, Henri Chopin, François Dufresne, Chloé Delhomme, Claude Favre, Nicolas Dick, plein de gens, Sébastien Lespinasse, voilà, pour les bandes sans fin. Donc ils seront axés positionneur, contrairement à leur nom. Alors que nous, on va être axés peut-être un petit peu bruitisme ce soir, parce que les artistes qu'on reçoit, enfin, notamment Ian June, sont plutôt dans la sphère bruitiste. Donc moi, j'ai fait une petite élection en correspondance. On va commencer en fait par une fausse nouveauté à la mode Epsilonia. C'est un tirage limité, je sais plus, je crois que c'est 300 copies, de Daniel Menche, cet artiste américain plutôt noise. C'est sorti sur Beta Lactam Ring Records, sur la série. Enfin, ils ont une collection de tirages limités qui s'appelle Black Series, et l'album s'appelle Deluge and Thunder, et c'est un disque. C'est beaucoup plus organique en fait que ce que je fais Menche d'habitude. On reconnaît des vrais instruments, mais c'est magnifique. Voilà. Thank you. Voilà, c'était un morceau plutôt énergique, extrait d'un album qui vient de sortir. Une jeune artiste belge qui s'appelle Lisa van der Aa. L'album s'appelle Troops. Il y a une magnifique chronique dans les Arts Occultibles. C'est pas tous les jours qu'on écoute des disques ici qui sont chroniqués dans les Arts Occultibles, mais il y a de quoi en fait. Je pense qu'on va beaucoup, beaucoup parler d'elle. Elle sera en concert le 27 janvier au festival Mofo à Main d'œuvre. C'est une artiste qui vient du classique, une violoniste, qui a enregistré son album à Berlin, dans le studio des Allemands de Einstürzende Neubauten, qu'on connaît forcément ici dans cette émission, avec le réalisateur historique des Neubauten, à savoir Boris Wilsdorf. Donc c'est du violon torturé, trafiqué, vraiment torturé en fait par moment. Et donc c'était un premier morceau qui s'appelait Lost Souvenir, et on va passer à un autre titre qui s'appelle Birds in Berlin, beaucoup plus ambiante mais tout aussi intéressant. Tout de suite, Lisa van der Aa. Thank you. flowers from the night shop nearby. She watches them withering in the morning light. Polly likes birds laughing so sweet, high above flitting, when down here we freeze. Voilà, donc c'était un deuxième extrait de Troops, l'album de cette violoniste classique belge qui s'appelle Lisa van der Aa. Retenez bien son nom et éventuellement essayez de la voir en live parce que c'est assez époustouflant. Le plaisir des oreilles et des yeux, parce qu'en plus elle est plutôt mignonne, dirons-nous. Album enregistré à Berlin dans le studio des Neubotten avec leur producteur Boris Wilsdorf, du violon torturé sous toutes ses formes. Et avec un côté chanson quand même qu'on a pu entendre dans le morceau qu'on vient d'écouter qui s'appelait Birds in Berlin. On enchaîne tout de suite avec notre séquence live, la première séquence live de l'émission, c'est ça? Tout à fait, Olivier. Donc nous avons le plaisir de recevoir un musicien chinois, Yan Yun, qui est en tournée en Europe. Ça nous fait extrêmement plaisir de le recevoir. Il va jouer jusqu'à une vingtaine de minutes, je ne sais pas encore. En tout cas, nous aurons un entretien après ce live. Voilà, donc Yan Yun en direct dans les studios pour Epsilonia sur Radio Libertaire 89.4. Merci à Yann Youn qui est en direct dans nos studios sur Radio Libertaire 89.4, un numéro pour nous joindre 01 43 71 89 40. Avant de passer à la partie interview avec Yann, on va écouter un de ses projets de T-Rocker. Voilà, et on retrouve dans quelques minutes Yann pour... on a plein, beaucoup, beaucoup de questions à lui poser, on est très intrigués. Voilà, à tout de suite. Radio Libertaire 89.4, vous écoutez Epsilonia, la Squadra Lumaca, amputée de deux membres qu'on salue. Vive le stream. Et c'est beaucoup de membres. Oui, oui. Deux membres. Ah. Voilà. J'entends quelque chose derrière, c'est quoi? C'est Internet. C'est Internet. On va commencer l'interview avec Yann Youn et... Premièrement, en fait, on vient d'écouter un morceau d'un groupe dont tu fais partie. Yann, tu peux nous décrire ce... With, just after your live show, your live, we listened to a Chinese band, which is one of your other projects. If you, can you tell us a bit more about this project? Yeah, this, the name of this project is the T-Rockers Quintet. Le nom de ce projet, c'est le T-Rockers Quartet. We have four musicians and one tea master. So during the concert, this tea master make tea for us. We drink and play. Donc en fait, c'est un concept assez particulier. Parce qu'en c'est un quintet, en fait. C'est un quintet, ouais. Exactement. En fait, il y a quatre musiciens plus un maître du thé, donc le thé qui est une tradition extrêmement forte là-bas. Et donc, pendant que eux sont en train de jouer la musique et leur instrument, il y a un maître du thé qui fait un cérémonial extrêmement compliqué, en fait, extrêmement codifié, que nous, on ne peut pas vraiment comprendre pendant le live. It's a strange concept. Yeah, strange, because... it's just you know, all of us we come from a very different background. One is a very good trained traditional academic player for the guqin. It's kind for of the guqin. It's a seven string instrument, very elegant. En fait ils sont tous des instrumentistes extrêmement doués, extrêmement qualifiés sur l'instrument, dont notamment un maître du Kuqin, qui est un instrument à 7 cordes chinois. Je ne sais pas exactement comment je peux le traduire, mais... En fait, c'est de la musique populaire chinoise. It's a Chinese popular music. Yeah, I call this popular music. I think it's kind of a... For me, it's very, you know, very sweet. I like it. Yeah. Voilà, c'est de la musique populaire. Il aime beaucoup. C'est très doux. En premier lieu, Yann Youn, peux-tu te présenter et nous parler de ton parcours artistique qui a l'air très long. Okay. So the first question is: could you try and briefly introduce yourself and your musical life? Which seems to be extremely rich. I was a critic in the kind of a rock critic. Donc j'étais un critique rock. Does a rock critic mean something in China? Rock is when did you start as a rock critic? Quand as-tu commencé dans un en tant que critique rock? It's from mid of 90s and here au milieu des années 90. Mid of 2003, 2004, 2005. En fait, donc des milieux des années 90 jusqu'à 2004-2005, il était rock critique rock. Yeah, I write reviews and report about Chinese underground rock. Donc il écrivait des reportages, enfin des interviews, des critiques et des sujets sur les groupes de rock chinois. But once they all disappeared, I have nothing to write, so I start to hang out with some friends. What disappeared? 2003. What disappeared? This band, all this band, this Chinese underground rock. Apparemment, but do you mean there was not any more rock bands in China? I mean, underground rock. This all my friends, all these bands I wrote about, they just disappeared very fast. Donc en fait, tous les artistes auxquels ils s'intéressaient à l'époque ont disparu pour X raisons, et donc il fallait bien qu'ils fassent quelque chose. So what did you do when? I have nothing to do, so I hang out with friends, I smoke, drink, you know, it's like have fun with some musician friends, and they bring me to concert, so something like they play on stage, I hold a radio, I walk inside of the audience, or I recite my poetry among the audience. En fait, comme j'avais plus vraiment de sujet d'écriture, je commençais à glander, en fait, à fumer, à boire et à faire la fête. Comme les copains. Et donc, je suis allé avec des amis à des concerts et j'ai commencé à me balader à travers le public et à lire mes poèmes. So. Yeah, I bought a second-hand MD recorder and a second-hand microphone. Yeah, I think maybe I can do something with them. So they also would like to have me. So I start to from field recording and voice. En fait, du coup, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose, et j'ai acheté un enregistreur numérique d'occasion, un micro d'occasion. Puis je me suis dit, je dois pouvoir en faire quelque chose, donc j'en ai fait. Je me suis dit, je vais faire du field recording, je vais faire de la noise, je sais pas très bien, mais voilà, j'ai acheté des choses comme ça. Yeah, and then I organized a lot of concert. I started because I need some place to play concert. So I basically organized for myself and my friends, but more and more friends come to play. So I spend a lot of time to organize. Et en fait, j'ai commencé à vouloir m'exprimer sur scène, donc il fallait bien que j'organise des événements pour que moi je puisse jouer, mais en même temps, du coup, je faisais venir des amis qui venaient jouer avec moi, et on s'est retrouvé avec de plus en plus d'amis et de plus en plus de gens qui venaient jouer en live des concerts que j'organisais. Donc j'ai organisé des concerts pendant pas mal de temps. Yeah, and then I really put a lot of time on my own music. These friends, they have played at my concert. They help me. They organize concert for me. So now I have a lot of concert to play. Et en fait, je me suis mis à passer de plus en plus de temps sur ma musique à moi, sur mes projets musicaux. Et tous ces gens que j'avais fait jouer, bah, eux-mêmes, ils organisent des concerts. Et du coup, maintenant, ils m'invitent. Et j'ai beaucoup, beaucoup de concerts. Et j'ai beaucoup l'occasion de m'exprimer en live en Chine. Yeah, and then I'm here. Et maintenant, je suis en France. And why are you here? Yeah, you know, it's my life bring me here. Donc, je suis ici parce que ma vie m'a amené ici, voilà. Oui. En fait, tu es en tournée en Europe. You are touring Europe right now? Yeah, this is end of this tour. This year I did twice tour. This is second one. I start from Malaysia and then I went to Australia and then I come to Europe. En fait, c'est ma seconde tournée à l'étranger. J'ai commencé par la Malaisie, ensuite je suis allé en Australie, et maintenant je suis en Europe. C'est big tour. Tu es passé par la Suisse aussi. Not really big, one month. Yeah, but big geographically speaking. And you went through Switzerland also. Mm-hmm. Yeah. Oui. On va écouter un peu de musique. Anton, voilà. Qu'est-ce qu'on va écouter ensuite? What is the next track you've selected? Because you came with a selection of music from your friends. What are we going to listen right now? Yan Yong. Next one, yeah, maybe another collaboration. I play with Jonathan Chen. He's an American musician and composer. Donc c'est une collaboration avec un musicien américain. What's the name? Jonathan Chen. Jonathan Chen. Chen. On est toujours avec Yan Yun, notre invité qui vient de Chine, et on entend toujours son projet avec ce musicien américain. Yan, je sais que tu écris beaucoup et qu'un recueil de poésie, Génération Daku, vient de paraître en coproduction avec le Louf. So you're besides of being a musician, you write a lot, and you've just released a book in a cooperation with Le Louf. Yes. Poetry book. No, it's not poetry. It's more essay. Essay. Okay. Essay, yeah. Okay. Donc c'est traduit du chinois en français. It's translated from Chinese to French. Yeah, translation. Ouais. Et je voulais savoir, l'écriture est-elle ta principale activité? Ou est-ce que c'est très équilibré avec ton activité musicale? What is your main activity? Are you mainly a writer doing sound or a sound artist doing writing? I don't know, half-half. C'est moitié-moitié. Yeah, you know, if I feel tired on music, I write as a kind of a rest, take a rest. If I feel tired on writing, and then I make music, I feel very relaxed. En fait, c'est vraiment moitié-moitié. Des fois, je me lance dans des périodes d'écriture et quand j'en ai marre, bah, je me dis tiens, je vais faire de la musique et je fais de la musique. Et quand j'en ai marre de faire de la musique, j'écris. Tu peux nous parler de ce livre, Génération Daku? Je sais qu'il y a un CD aussi à l'intérieur, donc. Could you tell us a little bit more about this book, which is called Génération Daku, which is a book plus a CD? Yes, a book. It's a collection of some essays, mostly on music, but some are also about I don't know, everything. And also this CD is one of my micro feedback project. It's similar as I just played today. En fait, c'est un livre qui est essentiellement un livre d'essais au sujet de la musique. Et pour ce qui est du CD, c'est un CD qui est axé plus sur mon travail, sur les feedbacks audio, et un peu comme ce que j'ai joué ce soir en live. Tu peux nous expliquer ce que c'est pour le public français ou européen, ce que c'est que la génération Daku, parce que pour nous, c'est loin, quoi. Tout ça, on ne connaît pas. Could you tell us a bit more about this, not this concept, this génération Yaku? Daku. Ah, sorry. Daku. So, Generation Daku, what does it mean? Yeah, Daku. Firstly, Daku is in English, it's a cut off. C'est le cut off tel que inventé par Brian Gesin et William Burroughs. Donc c'est cette espèce de juxtaposition improbable des choses qui donne des résultats étonnants parfois. Donc c'est le collage, ouais. In the 90s, it's really difficult to find Western music. I mean, of course, there were a lot of Western classical music or something like James Last. En fait, dans les années 90, c'était extrêmement dur de trouver de la musique en provenance occidentale, enfin de l'étranger. Donc il y avait de la musique classique, il y avait du James Last. It's difficult to find rock and roll or any different music, so because there's no place to selling this. En fait, c'était très dur de trouver de la musique rock and roll, par exemple, parce qu'il y avait pas de place pour la vendre. But it's not just a question of a place to selling this. It's just a question of being someone being authorized to sell it. Because there were only few big companies that have this rights to import CDs or cassettes from other country, and also they have this rights to reproduce that, but they have totally no interest in on this. En fait, c'est juste une question de. Il y avait des grosses compagnies qui avaient le droit d'exploiter des disques en Chine, etc., mais en fait qui n'avaient aucun intérêt à exploiter ce type de musique. Est-ce que c'est vraiment une question d'intérêt? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté politique derrière? It's not just a question of interest, it's a question of the politics in China, but no, didn't want rock and roll to be... I don't think so. I think in some case, maybe some Chinese musician, maybe the government don't like him, didn't like him at that time, maybe. But there's not a problem for generally forbidden rock and roll. I never heard this. En fait, it's very unusual what you're saying right now, because what we are feeling in the history, cultural history of China is that a lot of things were forbidden. Yeah, yeah. Many things, everything was forbidden, but you can do anything. En fait, la version de Yann ce soir, c'est de dire qu'en fait, non, rien n'était vraiment interdit. C'est juste que les gens ne faisaient pas ce type de musique en Chine, mais que il n'y avait pas de réelle interdiction volontaire, en tous les cas. Ça n'existait pas, en fait. Juste ça n'existait pas. Ouais. D'accord. Donc, I'll give you an example. For example, maybe you know the star, the very rich artist, Ai Weiwei. Oui. Ai Weiwei. Maybe you know him. Okay, he's one of the most rich and famous artists of the world. He's Chinese. He's always critical. Un artiste chinois comment? Qui apparemment est un artiste extrêmement riche à travers son art, qui s'appelle Ai Weiwei. Yeah, but that's his name. And he's very, very famous? Very, very famous, yeah. We should know him? You should know. On devrait... Tu connais? No, I'm sorry. Tu connais? Nico, peut-être. En fait, non, arrête, tu fais des parasites. donc, apparemment, c'est un artiste chinois qui... But he's selling a lot of records everywhere? Yeah, he's... And, but when... He's when kind of a billionaire. Yeah, but when did he start? When did he start being famous? 10 years, I think. Yeah, especially in these 5 years. Yeah, because he criticized the government. Donc il y a cet artiste chinois qui apparemment est une star internationale et extrêmement riche à travers les disques qui vont, etc. But it's the politics in China is much more... Yeah, that's... Cool. Could have been could have he existed, I don't, 15 years ago? No. Okay. So I think he's hired by Chinese government, maybe. En fait, effectivement, c'est un des premiers artistes qui a apparemment une carrière internationale extrêmement qui a du succès. Bon, on le connaît pas ici, mais on est peut-être pas dans les bonnes sphères musicales. Mais ce que vient de nous dire Yann, c'est que peut-être qu'il était soudoyé, enfin embauché par le gouvernement chinois pour... okay, let's back to the Daco. I mean, in the 90s. Yeah. Okay, 90s. Revient au collage. We want to listen to rock and roll, so there's only way to listen, to have this CD or cassette is they are already being cut by the electric saw. En fait, donc, pour revenir à ce livre, Génération Collage, enfin, D'un coup, mais Collage, le seul moyen d'avoir accès au rock'n'roll à l'époque, c'était, en fait, il y avait des disques qui étaient d'ores et déjà qui étaient fabriqués par des usines locales. You know, it's you have a warehouse to store all these products, but you always produce new ones, so no more space. So you have to destroy something and put them to the plastic factory. Et en fait, donc il y a des énormes entrepôts où on passe son temps à fabriquer des disques de rock and roll ou de choses qui nous intéressaient. Mais en fait, il y a des invendus et il arrive un moment où il n'y a plus de place dans les entrepôts, donc il faut les mettre à la poubelle, et les casser. Et donc And then we have this everything cut already, so it's kind of my best memories. What do you mean cut, in fact? It's Destroyed, purely destroyed, but something is totally destroyed, but something not really, just a small cut on the CD, so you can still, you can listen. En fait, des disques qui étaient rendus impropres à la consommation. Oui, ils étaient presque envoyés à la broyeuse. Et puis, ouais, c'était ça, mais enfin, en tous les cas, esquintés volontairement de manière industrielle pour qu'ils soient impropres à la vente. Parce que c'est des invendus, etc. Mais sauf qu'en fait, il les récupérait. Et il y avait toujours un bout de musique, un bout de truc à prendre. Voilà. Le jeu, c'est de retrouver des CD où c'était pas trop abîmé. D'accord. So the real challenge was to locate these cut CDs or cut records. And the game was to find where to know where to find these. Yeah, we know, of course. It's like for example, you want in Europe, in France, you want buy some special thing to smoke. You can find. You know where to find. Ouais, en fait, c'est quasiment comme la drogue. Nous, on savait exactement où ça se trouvait. En France, c'est illégal. Mais si vous avez besoin de fumer et que vous voulez chercher un truc à fumer, vous trouvez forcément où c'est. Ben nous, c'était un peu pareil. On savait où trouver la musique. So, music was your dope. Of course. Donc la musique, c'était leur drogue. And this is not only in China. Actually, in America, they also have this cut-off vinyl and the CD. En fait, c'est pas un phénomène purement chinois, parce qu'en fait, apparemment, aux États-Unis, il y a ce même phénomène de gens qui récupèrent des disques sans doute invendus et invendables pour créer. D'accord. Comment est perçue ta musique et ta pratique artistique par le public chinois, par les autorités? Voilà, ça rejoint un peu la... How do Chinese audience and Chinese politicians perceive and receive your music? I'm totally sure for the politicians I'm not exist. Okay. Pour les politiciens, je suis sûr que je ne dépasse pas le niveau de l'eau, je n'existe juste pas. When you say audience, that means they already know me, already face me, right? Et le public, bah, en fait, ce sont des gens qui me connaissent déjà, et c'est mon public à moi, quoi. But is it a big audience for such music? Yeah, no, not big. But I mean, maybe one day some politician also will become to my audience. Maybe. En fait, c'est un public assez restreint, parce que voilà, la musique est comme ça. Mais peut-être qu'un jour, il y aura un politicien à un de mes concerts. You know, and what will be his reaction? Sorry? This politician, if he sees you live? No, I mean, I will help them. I save their life, you know. What? It's kind of, I play music for them and I save their life. En fait, moi je m'en fiche. De toute façon, je joue ma musique et j'estime que je leur sauve la vie. Donc tous les gens qui veulent venir m'écouter sont les bienvenus. You know, to be a politician is so, life is so difficult and so boring and very high risk. So I think my music is the best thing for them. En fait, être un politicien, c'est tellement horrible et tellement un métier à risque que je pense que je suis vraiment une bouée de sauvetage pour eux. But don't you think that being an experimental musician is a high risk job in China? Est-ce que le métier de musicien expérimental n'est pas un métier à risque? No, I don't think so. But you know, economically speaking, because you have to make your living, whatever you do, pour survivre économiquement. I don't know, but everybody find some way to live. I mean, there are so many people, they have a very poor job, not only experimental musicians. This is not the worst job. En fait, de toute façon, tout le monde doit trouver un moyen de gagner sa vie. Il y a des tas de métiers, des petits métiers, même s'il n'y a pas de sous-métier, qui sont même pires que d'être musicien expérimental. Donc en fait, on se débrouille tous. And the best thing, the good thing is in the big city, as a musician or as an artist, you know many people, and these people, they have some opportunities to offer you. So it's really different to the workers. En fait, ce qui est bien, c'est ce qui est vraiment différent des travailleurs traditionnels, dirons-nous. Quand on est artiste ou musicien, on est amené à rencontrer plein de gens, on connaît plein de gens, et il y a plein de gens qui nous amènent des opportunités, des choses. C'est assez différent comme mode de vie d'être travailleur traditionnel. Yeah, so the point is this kind of life is quite open, so you have more chance to survive. But if your life is not open, you it's difficult to survive. En fait, quand on est musicien expérimental en Chine, mais je pense que c'est vrai dans les autres pays, personnellement, c'est un mode de vie extrêmement ouvert. Donc en fait, ok, c'est peut-être un peu risqué, mais quelque part, les chances de s'en sortir sont beaucoup plus ouvertes. D'accord. On va écouter un autre extrait musical. We're going to listen to another track you brought. Yesterday. Yeah, good one. Because you bought some bad one. No. Yes, I have some bad one. So, what are we going to listen? Qu'est-ce qu'on va écouter? Yesterday, this one is really good for all the politicians. Donc c'est une musique extrêmement bonne pour tous les politiciens. Why? Yeah. Around the world. Why is it good for? Okay. Donc c'est une musique pour les politiciens. Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute d'Epsilonia. Nous écoutons un morceau de Yang Yang. Yang. Yesterday. Oui, alors toujours avec Yan Yun, musicien chinois. J'ai vu un extrait, Yan, d'une performance de Torturing Nurse Show. So Xavier said he saw on the internet a performance by of a project called Torturing Nurse Show. The band name is Torture Nurse, but the show, the name of the show is okay. Nurse Torturing. Ok. Nurse Torturing. Donc le groupe s'appelle The Torturing Nurse. Torturing Nurse, et en fait, tu as vu le Torturing Nurse Show. Oui, exactement. Donc, j'ai cru interpréter à travers ces, ces simulacres de torture et de mortification que tu voulais évoquer la censure ou l'auto-censure. It seems that through what Xavier could see on the internet, you wanted to make a kind of a parody or mimicry of the censorship ou même de l'auto-censure en fait. Mon anglais commence à auto-censorship. I mean, it seemed to. I believe to interpret through his show of torture on mortification. You understand mortification? Ça devient compliqué. Ouais. What you want to evoke? What did you want to evoke through this torturing nurse show? Yeah, because I love them. No, I love this their activities, their concerts, their band, their music, and I love the girl in this band. I really want to work with them, and I think. Why not we do something like if I like you, I love you, I hurt you, you know, it's something like this. En fait, c'est juste parce que j'aimais beaucoup les filles en question et ce qu'elles faisaient. J'ai dit, à partir du moment où je les aime, pourquoi est-ce que je ferais pas un truc avec elles? Donc allons-y, faisons quelque chose. But is there any est-ce qu'il y a une signification? Is there any meaning? No, the meaning is just is about love. Donc en fait la seule signification c'est l'amour. D'accord, moi j'ai vu autre chose. Tu es un pervers. Excuse-moi. Non non, moi je voyais quelque chose autour de la censure ou l'autocensure parce que c'est vrai que c'est pour décrire parce que c'est pas très radiophonique mais il y a une personne qui est dans du plastique donc on n'entend pas ce qu'elle dit et l'autre personne a du scotch sur la bouche, elle est nue. Donc, pareil, il y a une espèce de. J'ai compris comme s'il y avait une espèce de. The thing is that because on within the show, a girl is wrapped in plastic and with something on her mouth and she's shouting, but nobody can really hear what she says. Yeah. Xavier thought there was a kind of symbolism about auto censorship or censorship. No. I just feel, when this moment and this situation, she's more lovely. En fait, c'est juste parce que dans ce genre de situation, je la trouve encore plus belle. D'accord. Bah, c'est beau. Donc, aucune signification perverse comme tu peux sous-entendre, mon cher Xavier. Non, mais rien de perverse. C'était plutôt vraiment une idée plus politique, en fait. Moi, je vais chercher des petites bêtes qui n'existent pas. Peux-tu nous parler, Yan, de ton label Subjam? Could you please tell us a little bit more about your label, Subjam? No, Subjam. Sorry. It's more like it's a one-man label, but it's more like through this one-man label, I work with many people in different time. I work with different friends or collaborators. It's kind of by myself. I can't do all of these things, so it's kind of a platform to have connection with other people. En fait, c'est vraiment le label d'une seule personne, à savoir moi. Et c'est vraiment un label à travers lequel moi je peux avoir des connexions avec plein d'autres artistes je fais tout tout seul et c'est mon outil d'ouverture à l'art et à la musique. D'accord. Une dernière question pour conclure, Yann. Je sais que tu fais un groupe qui s'appelle FEN avec Tomoyoshi Hide. Qu'en est-il? Vous avez des projets en cours, des concerts, des disques? So you have a project called FEN with Otomo Yoshihide. Are there any projects for the future of this project? Do you intend to record any CDs or to... Yeah, this project started in France actually. 4 years ago, it's Otomo Yoshihide wrote email to me and Yuan Qiwei from Singapore and Liu Hangyu from South Korea. En fait, donc c'est un projet qui a vu le jour en France. C'est Otomo qui m'a contacté par email pour voir s'il y a des choses à faire ensemble. And do you have an artist? Yuan Qiwei. Wing Chiwei, enfin, ça sert à rien que je traduise en fait, parce que je ferais pas mieux. Wing Chiwei et. He's from Singapore and Liu Hangyu from South Korea. Donc deux artistes, un de Singapour et un de Corée du Sud. And so what's the. And then we played in Marseille. This is how we started this project. And we play like twice a year. En fait, on a commencé à jouer à Marseille et on a joué deux fois dans l'année. But and then we will play in Japan and in China, but we will not. I guess we will release a DVD before any CD. Et en fait, pour l'instant, on joue, on va jouer en Chine. Et a priori, on va sortir plutôt un DVD avant de sortir éventuellement un CD. Yeah, kind of a experimental documentary. C'est une espèce de documentaire expérimental sur ce qu'on fait. D'accord. Bah, c'est parfait. C'est... On attend ça avec impatience. Merci beaucoup, Yann Youn. Thank you very much. Thank you, sure. Donc tu joues en concert samedi avec un musicien qui est aussi dans le studio, qui joue sous plusieurs noms en fait, trois petits points, ou Nicolas Mounou, voilà. Moi j'aime bien trois petits points. Et donc ce concert c'est samedi 3 novembre au Chahut. Alors le Chahut se trouve 20 rue Jean et Marie Moinon. C'est Métro Belleville, Colonel Fabien. Voilà, il y a Yann Youn, Steve Caspar, il y a CC qu'on avait reçu ici, qui fait partie de la bande de Serendip, Terrificolor, Nicolas Mounou. Il y a plein de gens. Il y a plein de gens. Voilà, on mettra ça sur le blog Epsilonia. On va écouter, et là c'est le petit cadeau en plus, une petite performance musicale. De trois petits points, voilà, de Suisse. On écoute Nico. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.